Ma porte, on dirait la popo. Salut poteau. C'est quoi le topo? Bien ou bien? Vu ta tête, devrais-je plutôt dire combien ou bien? Si pour moi t'étais hal, j'aurais une dette comme la France envers le Sénégal. C'est ça qu'on parle là où tout se pistonne ou se michetonne. Un service en vaut un autre, comme chez ce Rital de Corleone. Quand c'est la l'air, tout se rembourse, même les canettes. À la base, la planète faisait du troc, mais depuis ça escroque. Et c'est les thunes pour acheter le sel que veulent les gens qui toquent. Trop bon, trop con, tu dis fuck. Fuck, fuck, fuck. Mais qu'est-ce encore qui? Ton frère quoi? Séquestration. Ils veulent leur thune, grosse tête, rançon. Et donc collègue, car j'avais tout claqué façon. J'ai pas vu un bif, donc au mieux je lui écris une chanson. Pardon, laissez toquer les mauvais garçons. Ok. Viens pas frapper à notre porte. Si t'es une balance ou un porc. On laisse la porte ouverte à nos amis, à nos familles, même si ça doit durer toute la nuit. Viens pas toquer à notre porte. Si t'es une balance ou un porc. On laisse la porte ouverte à nos amis, à nos familles, même si ça doit durer toute la nuit. Ouais, frappe à ma porte si t'as besoin de sel ou d'huile. Si t'es du 7-8, que quelqu'un veut te kill, que ça part en vrille. Frappe à ma porte si les portes courses. Frappe à ma porte mais reste pas trop longtemps. Y'a un gros convoi de couscous. Apporte la bonne nouvelle comme la sortie d'un frère. Aucun blindé du Tchekar a sorti un gros fer. Frappe à ma porte pour un voyage en Croatie. Les devs restaient assis mais les demoiselles c'est par ici. Si t'es de la mif pour me dire que la guerre est nique. T'as des affaires avec du beef. C'est ni du shit ni de la sneeze. Frappe à ma porte si tu t'appelles Joe Kicks. Y'a une soirée au VIP et c'est Rock G qui mix. Ne frappe pas si t'es un Québec, t'es sapé en bleu. Les keufs ça me rend nerveux, donc j'évite les embrouilles avec eux. Frappe pas, ici on douille les canassons. Derrière le Judas, trop méfiant, on a trop vécu de coups bas. Un service en vaut un autre et ainsi va la vie. Frangin, la preuve on dit que même Dieu nous le rendra bien. Oublie jamais, je t'apporte ce que tu m'apportes. J'aurai une rose ou un flingue quand je toquerai à ta porte. Un service en vaut un autre et ainsi va la vie. Frangin, la preuve on dit que même Dieu nous le rendra bien. Oublie jamais, je t'apporte ce que tu m'apportes. J'aurai un flingue ou une rose quand je toquerai à ta porte. Donc ça toque à 7h6, même à 8h6. Dans la Tessie, tout est permis tant qu'on partage l'autarcie. Et des fois, c'est la Zermie qui frappe et les épreuves qui toquent. Et qu'aimerais que je m'enfonce en leur ouvrant avec un Glock. Glock, putain de prospérité, Charogne, ouvre-moi. Je sais que vous êtes là, la réussite est toi, j'ai entendu vos voix. Bande de Dara, ouvrez-moi, je suis venu qu'avec un 3. Faut pas jeter un froid comme lorsqu'on vient en soirée bourgeoise. Viens rapper si t'es stringé, prêt à triquer, criquer. J'ai juste une âme à passer sous mon briquet, mon saut briquet. C'est trésor, donc ghetto youth. Viens frapper que si tu ramènes de la bouffe et quelques fous. Frappe si tu rappes, moi et 16 on va te désocher. J'ai les divines cousins, tu sais que la marque est déposée. Frappe pour dire qu'on va exploser les chartes. Explorer les chartes de Bercy à l'Elysée, Montmartre. Viens pas frapper à notre porte. Si t'es une balance ou un porc. On laisse la porte ouverte à nos amis, à nos familles, même si ça doit durer toute la nuit. Un service en vaut un autre et ainsi va la vie. Frangin, la preuve on dit que même Dieu nous le rendra bien. Oublie jamais, je t'apporte ce que tu m'apportes. J'aurai une rose ou un flingue quand je toquerai à ta porte. Viens pas toquer à notre porte. Si t'es une balance ou un porc. On laisse la porte ouverte à nos amis, à nos familles, même si ça doit durer toute la nuit. Un service en vaut un autre et ainsi va la vie. Frangin, la preuve on dit que même Dieu nous le rendra bien. Oublie jamais, je t'apporte ce que tu m'apportes. J'aurai un flingue ou une rose quand je toquerai à ta porte. Oh oh, les issues sont bloquées. Ne grette pas les bifs tant qu'on a bac, frappe à la porte. Oh oh, les issues sont bloquées. Ne grette pas les bifs tant qu'on a bac, frappe à la porte.